sur une île déserte, par Jacques Cézambre. La jeune femme avait embarqué à Brisbane. Elle était brune, souple et gracieuse. Personne ne l'avait accompagnée en rade. Elle n'avait adressé de signe d'adieu à personne. Elle se tenait appuyée sur la lisse, regardant le sillage du steamer. Les rares passagers étaient presque tous des hommes et, naturellement, ils la remarquèrent tout de suite. Herrings, le second, un garçon vigoureux, rasé de près, tanné par le vent et le soleil, ne la vit pas cet après-midi-là, car il était occupé sur le pont avec le pilote. Mais comme la cloche sonnait pour le dîner, il la rencontra brusquement, et sa surprise fut si grande qu'il perdit son flegme, chose qui ne lui arrivait jamais. Elle restait là, élancée, jolie, un peu intimidée par l'hostilité qu'elle lisait dans son regard. Il marcha droit sur elle. « Vous ?»« Rien ne pouvait m'apprendre que vous vous trouviez à bord, » dit-elle enfin, masquant son trouble d'ironie. « Sans quoi, j'aurais attendu un autre bateau, croyez-le. »« fit-il. « Cela eût été plus agréable pour l'un et pour l'autre. » Et puis, entre nous, c'est un bien mauvais bateau que celui-ci. Êtes-vous seul? Naturellement. Il n'y a aucune raison pour que je le sache, dit-il cyniquement. Mais n'importe. Nous serons à San Francisco dans 3 semaines, et il est tout à fait inutile qu'à bord de ce navire on sache que nous nous connaissons. Elle le regarda calmement, puis acquiesça, observant la rancune de ses lèvres serrées et de ses mâchoires énergiquement contractées, répondit à son salut et s'éloigna. Herrings trouvait que le passé justifiait pleinement son attitude. Il jeta sa cigarette et rentra dans sa cabine en fredonnant un bout de chanson, comme si sa pensée tout entière retournait à la longue journée de travail qui venait de s'écouler. Les petites lumières de la côte brillaient au loin, et le navire gagnait sur l'horizon de l'immense Pacifique avec un sourd grondement de toute sa machinerie. « Elle fait bonne contenance, » pensait Herrings. « Je me demande ce que la vie lui a réservé. » Et elle voyage seule. Il ne lui parla pas durant les jours qui suivirent, bien qu'il sût parfaitement où était son fauteuil, et qu'il pût de temps à autre, en traversant le pont, sentir que les yeux de la jeune femme le suivaient. C'était au cours d'un voyage semblable qu'il l'avait rencontrée pour la première fois. Il ne se rappelait que trop le doux et fascinant regard qui avait exercé sur son imagination un pouvoir si funeste quand, dans la suite, il n'avait pu s'empêcher d'en rêver. Il se durcit, se fit plus implacable encore. Quand son quart était fini, il se rendait à sa cabine et s'y enfermait, ou bien allait fumer une pipe dans la machinerie. Suivirent des jours de rêve, jours où, par une mer bleue, le vieux Good Hope trouvait moyen de filer sans difficulté ses 13 nœuds. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'épier les marsouins verdâtres, jouant dans le sillage du navire, ou suivre les bonds rapides et courts des poissons volants. Le commandant, petit homme rougeau, passait la moitié de sa journée à lire de vieux magazines dans son hamac. « Essayez de distraire les passagers, Herrings, » disait-il. « Ces gens-là sont juste assez nombreux pour se supporter mutuellement. Entre nous, et soit dit en passant, cette Madame Rawlinson est une bien jolie personne. » Herrings acquiesçait, mais ne tentait aucun effort pour suivre les conseils du commandant. Tandis que le navire suivait son chemin sur les mers endormies, il ne souhaitait qu'une chose, abréger la durée du parcours. De petites îles violacées apparaissaient au large, puis s'évanouissaient dans le vaste horizon. Des mouettes claires suivaient le bateau, et à la nuit, des étoiles brillaient au ciel. Un soir, le second s'approcha de la jeune femme qui, appuyée sur la lisse, suivait dans l'eau sombre la lueur phosphorescente du sillage. Un négociant de Vancouver se tenait près d'elle et, chose étrange, cela réveilla davantage encore son hostilité. Il pensa à Rawlinson, le petit homme aux yeux pâles qu'elle avait épousé pour avoir les diamants qu'elle portait le soir. Il s'étonna que son mari l'eût laissé voyager seul. Drôle de ménage, en vérité. Après tout, que lui importait à lui et Herrings? Qu'avait-il de commun désormais dans l'existence? Elle se tenait toujours à l'écart de tous avec sa couverture de voyage et un roman français qu'elle lisait avidement. Mais chaque fois que le regard se rencontrait, ses yeux à lui devenaient de pierre. Les jours succédaient aux jours dans la monotonie d'un ciel et d'une mer également bleus. Une nuit vint cependant où Herrings fut éveillé dans sa couchette par une brusque secousse. Tout de suite il comprit que la chose était grave. L'air retentissait d'appels de détresse, le navire s'enfonçait lentement. Le cerveau encore lourd de sommeil, Le second courut sur le pont et trouva les passagers qui s'affolaient, s'interrogeant et se heurtant l'un l'autre dans l'obscurité. Le commandant était alerte et calme, bien que ses yeux eussent cet éclat où l'on peut lire, au milieu d'un désastre, la fin de toute chose. « Rien à faire, » dit-il rapidement. Le paquebot a touché un récif. L'eau y entre comme dans une éponge. À l'aide, Herrings, entassez tous les passagers dans les chaloupes. Il n'y a aucun danger s'ils ne perdent pas la tête. » Depuis 15 ans qu'il voyageait sur mer, le second ne vivait pas une telle minute pour la première fois. Il ne se sentait nullement inquiet. La nuit tranquille était coupée par les ordres brefs du commandant, tandis que les canaux s'emplissaient. Des ombres rapides passaient sur le pont. Quelques femmes appelaient avec des pleurs dans la voix. Mais la tranquillité de la mer et le calme des officiers avaient enlevé à tout le monde la première impression de terreur. Herrings arrêta au passage un vieux monsieur qui voulait aller chercher son pardessus et une dame qui courait de droite et de gauche à la recherche de son petit chien poméranien. « Au canot ! » cria-t-il brusquement. « Ce n'est pas le moment d'agir comme des fous. » Alors il prit sur le pont la place du premier maître, obligeant celui-ci, avec un mélange de persuasion et de ferme autorité, à s'embarquer dans la troisième chaloupe. Cependant, le bateau enfonçait toujours et les vagues de velours commençaient de lécher le bastingage. Au moins expérimenté des passagers, il apparaissait clair comme le cristal qu'avant une heure, le pauvre Good Hope aurait disparu. Sur la passerelle, la voix du commandant retentit, très brève. « Maintenez tous les canaux ensemble, Herrings. Il y a une île à 10 milles par tribord, et il fera jour dans 3 heures. Pour l'amour de Dieu, ne laissez aucun canot s'écarter des autres. » Herrings, surveillant le départ de la dernière chaloupe, se demandait laquelle de ces embarcations pouvait bien emporter la femme qui avait tant tenu de place dans son passé. Il avait rejoint le commandant sur le pont et faisait craquer une allumette pour allumer une cigarette, la dernière peut-être, lorsque, tout à coup, il sentit un grand choc dans son cerveau. Juste en dessous, elle s'appuyait contre la porte d'une cabine et le regardait, pâle sous la lueur blafarde de la lune, mais parfaitement maîtresse d'elle-même. Le commandant l'aperçut au même instant, et une rage soudaine l'alluma ses yeux. « Qu'y a-t-il, par tous les diables ?» Elle supporta le regard furieux sans fléchir, et avec une nuance de fierté dans la voix. « Je ne croyais pas qu'il y eût un réel danger, et je voulais en tout cas me trouver parmi les derniers. » Le vieux marin se tourna brusquement vers Herrings. « Il reste une chaloupe, en plus de la mienne. Embarquez cette dame avec vous et suivez les autres. Je vous rejoindrai aussitôt que ce maudit tonneau aura dit son dernier mot. » Une rage curieuse gonfla les veines de Herrings, mettant de la maladresse dans ses doigts et un mordant inhabituel dans sa voix. La femme était silencieuse et faisait preuve d'une invraisemblable tranquillité. Elle semblait même prendre un certain plaisir à la brutalité avec laquelle l'homme la commandait. Il s'assit, sereine, dans la frêle embarcation qu'il dirigeait sur l'océan muet. Le Good Hope diminuait toujours sous la clarté immuable de la lune et des étoiles. Au-dessus de ce drame, au ralenti, la croix du sud étincelait, merveilleuse. La femme avait pris la barre. L'homme parla d'une voix impérieuse. « Pouvez-vous voir quelque lumière à l'avant ?»« Non, pas encore. »« Guettez bien alors, et gouvernez droit sur ces lumières dès que vous les apercevrez. Les autres ne peuvent se trouver à plus de 2 milles en avant de nous. » Maintenant qu'ils étaient seuls, ils sentaient mieux combien le passé pesait sur eux. Ils s'efforçaient de ne pas la regarder tandis qu'ils ramaient vigoureusement, mais ils ne pouvaient être inconscients du pouvoir magique de cette blanche silhouette et des yeux ardents qu'ils devinaient dans l'ombre. Il n'y avait d'autre bruit dans la nuit que celui des rames. Les étoiles pâlissaient déjà, et la fraîcheur qui précède l'aube commençait de tomber sur eux. Herrings vit qu'un léger frisson secouait les épaules de la jeune femme. Il cessa de ramer et enleva sa veste. « Prenez ceci, » bougonna-t-il, « je n'ai pas froid. »« Prenez, » commanda-t-il d'une voix à laquelle il n'y avait rien à répliquer. « Je ne peux pas ramer commandément avec ma veste. » Elle obéit silencieusement et se rassit, regardant fixement en avant. Aucune lumière ne se montrait à l'horizon, et l'ombre du navire naufragé avait depuis longtemps disparu. Le marin se courba sur les avirons avec une énergie nouvelle et fit glisser l'embarcation dans un balancement rythmé. Il savait que de nombreuses petites îles parsemaient ces parages et que le jour ne tarderait pas à venir. Il s'étonnait cependant de constater jusqu'à quel point la jeune femme gardait une pleine possession d'elle-même. Autrefois, il ne l'eût jamais cru capable d'affronter avec un tel courage les terribles réalités du danger. « J'aperçois quelque chose à l'avant, » dit-elle soudain. « Je crois que c'est la terre. » Dans l'aube glaciale, une ombre bleutée se dessinait à 300 mètres environ. Herrings continua de ramer avec vigueur. Mais il sentit soudain un choc et entendit comme un déchirement. L'eau pénétrait dans l'embarcation. Il ne s'arrêta pas, comprenant qu'il venait de toucher un récif de corail. À l'est, le ciel laissait voir une pâle lueur orangée. L'eau gagnait rapidement, et la situation devenait vraiment critique lorsque le marin amena le canot sur le sable d'une petite plage. Quelques instants plus tard, ayant aidé la jeune femme à sauter sur la terre ferme, il se tenait debout près d'elle, et ce fut seulement quand l'énervement des minutes qu'ils venaient de vivre eut disparu, qu'ils sentirent l'un et l'autre la réalité de leur situation réciproque. « Bien, » dit-il, « nous devons faire face à ce que nous n'avons pu éviter. Les autres sont probablement quelque part sur cette île, et en tout cas c'est à nous de tirer le meilleur parti possible de leur présente. Vous semblez prendre les choses par le bon côté. » Un sourire erra sur le joli visage. « Pourquoi en serait-il autrement ? » demanda-t-elle. « Il n'y a rien, n'est-ce pas, qui puisse m'effrayer ?»« Je ne le pense pas. Nous avons assez de vivre pour 5 ou 6 jours. » Il transporta hors du canot les rares objets qui leur appartenaient et ramassa un peu de bois sec pour allumer du feu. Il s'étonnait toujours de la trouver aussi calme. Le soleil dorait la mer, mais pas une étincelle de vie n'animait le vaste horizon. Seule l'écume bondissait en blanc tourbillon sur les récifs coralligènes, eux-mêmes d'une blancheur éclatante, et la brise agitait superbement les grandes palmes des cocotiers. Ils mangèrent en silence leur premier repas de naufragés, levant par instants les yeux l'un sur l'autre, bien que la femme fût parfaitement consciente des sentiments hostiles de son compagnon. Soudainement, il se leva. « Je vais faire un tour pour essayer de découvrir la trace des autres. Je serai absent pendant 2 heures environ. Il n'y a rien à craindre pour vous ici. Ces îles sont inhabitées et l'on ne saurait y trouver aucun animal nuisible. « Me croyez-vous donc capable d'être effrayé ? » répliqua-t-elle. Il ne répondit pas, mais se dirigea vers le bord de la plage. Ses yeux gris fouillaient inlassablement l'horizon. Bien avant que le soleil eût atteint le zénith, Herrings avait achevé sans succès sa tournée à travers l'île. Aucun signe de vie humaine n'y était perceptible. Cette terre déserte était l'un des nombreux atolls disséminés dans le Pacifique. Beaucoup d'autres se distinguaient au loin, et le marin se demandait avec anxiété sur lequel ses compagnons avaient pu trouver refuge. Cependant, il n'était ni vraiment troublé, ni inquiet. Un sentiment de bien-être l'emplissait, et les douces senteurs des tropiques l'enveloppaient de leur calme prenant. Avec des pierres, il fit tomber une noix de coco, la perça d'un trou, et en absorba le lait délicieux. Il revint ensuite vers sa compagne, sifflant joyeusement et tout enivré par l'air. Dans l'ombre des grands arbres, au tronc lisse, elle reposait, endormie, un bras replié sous la tête et les cheveux en désordre. Il y avait quelque chose d'enfantin dans son attitude. On eût dit qu'elle avait laissé une partie de sa vie derrière elle. Sa physionomie, tranquille et simple, révélait une fatigue heureuse comme si un rêve agréable eût animé son sommeil. Sa silhouette semblait également avoir retrouvé les formes de l'enfance. Il en émanait comme un rayonnement de vie et de jeunesse. Lorsqu'elle s'éveilla, l'homme la regardait toujours, immobile, mais ce furent ses joues à lui qui s'empourprèrent quand se croisèrent leurs regards. « Je ne puis rien découvrir, » dit-il vivement. « Je suppose que les autres se trouvent en sécurité. Les îles sont aussi nombreuses dans ces parages que les mouches autour d'un sucrier. Alors, qu'allons-nous faire ? J'allumerai un grand feu dès que la nuit viendra. Il passe journellement des navires par ici. Nous sommes sur le chemin des petits bateaux de commerce. » Elle ne paraissait pas inquiète. Même quand elle ne parlait pas, il sentait qu'elle restait sereine et calme. Tandis qu'elle commençait à réparer la chaloupe, elle se mit à ramasser du bois au bord de la grève, en vue du feu signal qu'ils allaient allumer. Elle travaillait sans trop se presser et comme machinalement, s'arrêtant parfois, pour regarder les longues vagues se briser et déferler sur les récifs, ou bien pour suivre dans son vol un gros pigeon vert surgissant là-haut des palmes mobiles. Et, tout à coup, une mélodie s'éleva dans l'air pur. C'était elle qui, machinalement, fredonnait une romance. Peu à peu, sa voix s'affermit, devint plus haute, presque vibrante, extraordinaire aussi dans ce cadre sauvage qui, de toute évidence, n'avait jamais rien entendu de pareil. Herrings avait lâché le marteau qu'il brandissait quelques secondes auparavant. Il sentait que toutes ses forces vitales étaient concentrées dans ses oreilles et dans ses nerfs. Pour rester maître de soi-même, il dut se rappeler cette fameuse soirée, vieille de 6 années déjà, où elle lui avait répondu d'une voix froide, inoubliée, que la solde d'un second officier ne pouvait payer des automobiles, des yachts particuliers, ni aucune de ces choses qui assaisonnent la vie d'un agrément indispensable. Et c'était avec cette même voix, combien plus mélodieuse pourtant, qu'elle chantait aujourd'hui sur un îlot désert où le hasard les avait réunis par un ironique caprice de la destinée. Il fallait qu'elle ne fût véritablement pas inquiète pour chanter ainsi. Et ce n'était pas du bluff. Sa voix ne tremblait pas le moins du monde. Une singulière créature, décidément. Quand vint la nuit, un point lumineux brilla sur la mer. Près des flammes bondissant de leur propre feu, ils se tenaient immobiles, cherchant à deviner l'origine et la signification de cette lumière lointaine. « Ce n'est pas un navire, » dit-elle, « cela brûle avec une lueur fixe. »« Certainement, » approuva Herrings, « ce doit être un signal comme le nôtre, que nous adressent les naufragés du Good Hope. Sans doute voit-il aussi notre feu. » Dans l'élan de l'intérêt commun, il avait oublié son antagonisme et parlait sans brusquerie. « Demain, » dit-il encore, « j'orienterai mes recherches de ce côté. Les autres, d'ailleurs, doivent avoir conservé au moins une chaloupe utilisable, ou alors ce serait à désespérer de tout. Ils viendront nous chercher. » « Cela est assez probable, en effet, » répliqua-t-elle sur un ton de banale courtoisie. Pas une fois encore, depuis que leur canot s'était éloigné du navire naufragé, ils n'avaient fait allusion au passé. Dans leur pensée même, ces jours d'autrefois commençaient à perdre de leur réalité. La voûte immuable des cieux les isolait complètement du reste du monde. Peu de temps après le crépuscule, elle lui souhaita bonne nuit et s'étendit sur le sable fin de la plage, tandis qu'il se retirait plus haut vers les palmiers du rivage. Ses membres étaient alourdis par le pénible travail de la journée, mais ses yeux ne pouvaient se clore. La terre chaude sur laquelle il reposait semblait vouloir l'animer d'une vie nouvelle, et il avait l'impression qu'il ne pourrait jamais dormir. Au loin, dans la direction du large, on entendait l'incessant murmure des eaux sur les barrières de corail. De temps en temps, une noix de coco se détachait des hautes branches et roulait sur le sol avec un bruit sourd. Quand Herrings s'éveilla cependant, le soleil se trouvait déjà haut, et la jeune femme était debout. Elle s'était baignée dans le lagon intérieur de l'atoll et séchait dans la grande lumière ses beaux cheveux fouettés par l'air marin. Éclatante de fraîcheur, elle avait les joues colorées de teintes vives. La satisfaction semblait luire dans ses yeux, lorsque le jeune homme parut, mais son regard rencontra celui du marin avec une certaine timidité. Tourné vers la plage, il dit « J'ai réparé la chaloupe, mais je ne la donnerai pas pour sûr. Toutefois, si vous voulez absolument tenter la chance, nous pouvons essayer de rejoindre les autres, qui doivent se trouver sur cette île, là-bas, à l'ouest. Je crois que quelques heures y suffiraient. » Elle ramassa une poignée de sable doré et la laissa filtrer à travers ses doigts. « Ne pouvons-nous attendre un peu ? » murmura-t-elle. « S'ils ont aperçu notre feu, ils viendront sûrement au-devant de nous. Et puis il y a les bateaux qui passent, ainsi que vous me l'assuriez hier. »« Comme vous voudrez, » dit-il. « En tout cas, c'est une question d'un jour ou deux, tout au plus. » Ils attendirent ce jour et le suivant, mais aucune cheminée, aucune voile ne pointèrent à l'horizon. Seul le feu distant qu'ils apercevaient le soir venait leur rappeler que l'univers ne leur appartenait pas en propre. Ils n'avaient aucune raison d'inquiétude véritable, car la nourriture était abondante dans l'île sous forme de coquillages et de fruits savoureux. C'était une vie qui animait le sang et faisait briller les yeux. L'air avait une saveur printanière. Jour par jour, la jeune femme brunissait. Le soleil et le grand vent du large la rendaient plus vigoureuse. Herrings sortait le canot quand le temps se révélait particulièrement beau, et tous les deux prenaient la mer. Par prudence, ils ne s'éloignaient jamais beaucoup du rivage, car Herrings n'avait qu'une confiance limitée dans l'embarcation. Il y avait une grâce robuste dans les mouvements de Mrs. Rawlinson, tandis qu'elle manœuvrait les rames. Lui tendait les filets de pêche qu'il avait patiemment confectionnés avec des fibres de cocotier, et quand, par hasard, il prenait un poisson, leur joie avait quelque chose de puéril et de charmant. Il sentait une gaieté tumultueuse dans la voix de la jeune femme quand, en chantant, elle revenait de son bain matinal, marchant légère sur le sable, des mèches de cheveux emmêlées par le vent. Il lui découvrait, il ne savait quoi, d'un peu sauvage, comme si, de tout temps, elle eût été faite pour cette existence de complète indépendance. Cependant, un vieux souvenir restait entre eux et ils parlaient peu. Sans doute avait-il le désir d'échanger des impressions et des idées, mais les mots ne leur venaient pas facilement. Tacitement, ils évitaient tout ce qui eût pu provoquer un retour vers les jours lointains où ils s'étaient connus. Le regard de la jeune femme suivait la haute silhouette du marin dès qu'il lui tournait le dos et, plus d'une fois, il lui parut environné de mystère. La chose qu'elle eût voulu lui dire la tenait éveillée durant les longues nuits tièdes où la brise frémissait à travers les palmiers. Mais quand elle le rencontrait au matin, son regard froid l'arrêtait, il sentait que rien ne briserait la solide armure de sa réserve. Il était suffisant qu'ils vécussent en bonne camaraderie, dans l'intérêt commun de trouver leur nourriture et de maintenir le feu qui brûlait sur la colline au-dessus de la plage. Pourquoi leurs voisins de solitude, leurs anciens compagnons de voyage à bord du Good Hope, n'essayaient-ils point de parvenir jusqu'à eux? Sur les différentes embarcations dont ils disposaient, il n'était pas admissible qu'aucune ne fût utilisable à l'heure actuelle. C'est ce que répétait continuellement Herrings. Ce devait être également ce que pensait Mrs. Rawlinson, mais il ne laissait rien voir de cette préoccupation, ni l'un ni l'autre. Un matin de très bonne heure, le soleil venait à peine de surgir à l'horizon. Le marin s'éveilla et l'idée lui vint de prendre un bain. La mer était assez forte, bien qu'il fît très beau, et de grosses vagues se brisaient avec violence sur les récifs. Il pensa qu'il lui serait à la fois plus facile et plus agréable de nager dans le lagon intérieur, dont les eaux étaient forcément plus calmes, bien qu'il communiquât par un large chenal avec l'océan. Herrings fut bientôt au bord du lac, déjà bleuissant, et joyeusement, en vrai sportif, il piqua une tête dans l'eau transparente. Il nageait vers le fond avec une sorte de volupté, les yeux ouverts, regardant autour de lui cette étrange végétation d'algues vertes et violacées, ces pierres rendues énormes par l'espèce de loupe grossissante qu'interposaient les eaux entre elle et lui. Tout à coup, il aperçut, très près de ses mains, une coquille large et plate semblant posée sur le rocher, une huître perlière. Il ne s'y trompait pas, ayant souvent vu des Indiens pêcher le précieux mollusque sur la côte de Californie. Le plaisir qu'il éprouva en s'emparant de la coquille lui fit oublier de pousser ses jambes en avant. À sa grande surprise, l'huître lui échappa, et l'instant d'après, il se retrouvait presque à la surface de l'eau, ayant pris en vain beaucoup de peine. L'huître s'attache si fortement au rocher par ses filaments qu'il faut un grand déploiement de force pour l'en arracher, et sa surface extérieure étant couverte de pointes tranchantes, les mains du plongeur malhabile se trouvent bientôt cruellement coupées. Herrings venait d'en faire la désagréable expérience. Assis au bord du lagon, il réfléchissait en considérant ses doigts ensanglantés, mais l'intérêt de sa découverte était si vif qu'il n'accordait qu'une importance minime à sa déconvenue. Le lagon contenait des huîtres perlières, chose logique en somme dans cette île déserte. Donc on pouvait les pêcher, donc on pouvait s'enrichir. Et cela, en quelques heures, au moins où il pouvait se considérer comme absolument hors du monde et livré au hasard. Herrings rassembla ses souvenirs, se rappela ce qu'il avait vu et entendu dire à ce sujet. Le tout était de 6 mètres, parbleu. Il nageait bien, il plongeait mieux encore, peut-être. Du diable, si à la longue, il ne réussissait pas à ramener à la surface quelques-uns des mollusques recélant des joyaux dans leur nacre. Le marin choisit une branche de bois dur, la tailla en pointe aux deux extrémités, pensant que ce bâton lui serait commode pour décoller les huîtres des roches auxquelles elles adhéraient, et de nouveau il plongea. Après plusieurs tentatives, il aperçut au fond un rocher noir et supposa qu'il devait être couvert d'une belle quantité d'huîtres perlières. Celles-ci aiment en effet les lieux tranquilles, non exposés aux courants et même aux ondulations de l'eau. Le rocher se trouvait à une douzaine de brasses de la surface, et Herrings éprouva quelques difficultés à l'atteindre. Il en fit le tour lentement, sans rien découvrir d'intéressant, et il allait remonter quand à ses pieds, dans la merveilleuse transparence de l'eau, il vit une huître énorme, large comme une assiette. Il jugea prudent de remonter pour se reposer un peu, quitte à revenir tout à l'heure chercher sa splendide trouvaille, laquelle, dans son esprit, ne pouvait manquer d'enfermer un trésor. Afin de la retrouver plus facilement, il regarda au-dessus de lui pour chercher un point de repère. Et alors, sur la grande tache claire du ciel, entre lui et la surface, il aperçut un poisson énorme qui le guettait. Un tintérero, le terrible ennemi des pêcheurs de perles, le redoutable poisson bien connu des plongeurs de la côte californienne, qui, avec les énormes raies appelées manta, dispute aux hommes les joyaux de l'océan. Le monstre marin avait dû le surveiller pendant ses recherches autour du rocher, et maintenant il l'attendait. Herrings disposait pour toute arme d'un bâton grossier, et un bâton, même ferré, est tout à fait inutile contre un tintérero. Celui-ci dispose d'une gueule si large et d'un gosier si vaste qu'il engloutit le corps d'un homme en quelques instants. À l'aspect du tintérero, Herrings, toutefois, ne perdit pas courage. Il passa de l'autre côté du rocher, espérant, par cette manœuvre, échapper à la vigilance de son terrible ennemi. Mais sa confiance chancela lorsqu'après avoir nagé quelques brasses, il se retrouva face à face avec le monstre. Les yeux de celui-ci, larges et ronds, semblaient projeter du feu. Sa gueule s'ouvrait et se fermait continuellement, laissant deviner les dents horribles qu'il avait nombreuses et acérées. Tout cela s'était passé en quelques secondes, mais Herrings comprenait que la scène avait déjà duré trop longtemps. Il allait manquer d'air, chaviré dans les ténèbres de l'asphyxie. Il ne lui restait plus que les deux alternatives d'être dévoré par le monstre ou de se noyer. Il était resté si longtemps sous l'eau qu'il ne pouvait plus retenir son haleine et ses forces commençaient à l'abandonner quand il se souvint que d'un côté du rocher il existait un endroit sablonneux. Le marin se dirigea vers cet endroit avec toute la rapidité possible. Son adversaire attentif ne perdait pas de vue un seul de ses mouvements, l'observant toujours à distance. Aussitôt que le plongeur eut atteint le banc de sable, il agita fortement le sol avec son bâton. L'eau se brouilla immédiatement, lui cachant le tintérero et le dissimulant en même temps aux yeux de celui-ci. Sans tarder, Herrings nagea vigoureusement dans une direction oblique, puis d'un grand coup de talon, il remonta vers la surface. La lumière lui apparut. Suffoquant, exténué, ébloui par le soleil, il eut encore l'instinct et la force de se hisser sur la rive, puis tout se brouilla devant ses yeux, dans sa mémoire, et il s'écroula évanoui. Quand il reprit ses sens, la première chose qu'il aperçut fut un visage angoissé penché sur lui. Sa compagne, un bras passé sous sa nuque, lui parlait avec des mots tendres, mais il ne comprenait pas. Un atroce goût d'eau de mer lui contractait la gorge. Ses oreilles bourdonnaient, il se sentait brisé. « Le tintérero, » murmura-t-il. « Ne parlez pas, reposez-vous, ça ne sera rien. Quelle imprudence, mon Dieu! Tenez, buvez ceci qui vous fera du bien. » C'était du lait de coco qu'il avala avec effort, mais dont il ressentit immédiatement l'action bienfaisante. « Merci. » « Si près de la délivrance, » murmura-t-elle encore, « quel cauchemar. C'eût été dans ma vie. » Le mot « délivrance » lui était resté dans les oreilles. Il se souleva sur un coude. « Que dites-vous ? Il y a un steamer à l'ancre à 3 000 environ au sud. Il a dû voir notre feu car on met une chaloupe à la mer. » Alors, la mémoire lui revint brusquement et il se rappela les événements des derniers jours. En même temps, il revoyait son angoisse à elle, quand il avait ouvert les yeux. Alors il ne lui était donc pas complètement indifférent ? Mais non, il se leurrait, mal remis encore de ses émotions et de son séjour prolongé sous les eaux du lagon. Comme en un rêve, il suivait les mouvements du paquebot à l'horizon. On apercevait quelques passagers sur le pont. Ceci, plus que toute autre chose, lui rappela le monde qu'ils avaient presque oublié, avec ses coutumes, ses préjugés et ses hypocrisies. Il regardait la femme aller près de lui, tête nue avec sa robe fripée. Une vision d'automobile luxueuse et de dîner somptueux lui apparut, avec le crâne chauve d'un petit homme derrière un journal dans un club chic. « Allez, » dit-il brusquement, « vous devez descendre vers la grève et les rencontrer seuls. Vous leur direz n'importe quel mensonge, vous comprenez ?» Elle le regardait, muette de surprise. « Que voulez-vous dire, Donald ? En vérité, non, je ne comprends pas. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Il haussa les épaules. « Je reste ici. » dit-il rudement. « Peu importe. Un autre bateau me secourra dans 4 ou 5 jours et tout ira pour le mieux. » Dressé sur ses pieds et chancelant encore un peu, il se dirigeait résolument vers la végétation luxuriante, débordant là-bas au-dessus des rochers. La froideur de son expression fit soudain comprendre à la jeune femme le sens de cette étrange attitude et toute fausse fierté l'abandonna. Avant qu'il eût fait 10 mètres, elle se trouvait près de lui, la figure empourprée, les yeux courageux. Il sentit en elle quelque chose qui faisait face à sa propre résolution. « Si vous restez, Donald, je reste aussi. » cria-t-elle d'un ton décidé. « J'ai beau n'être qu'une femme. Pensez-vous que je pourrais m'en aller seule ?» Il s'arrêta, stupéfait. Elle n'avait plus le même regard. Il devinait que quelque chose lui avait échappé jusque-là. Jamais il n'avait supposé qu'il pût être libre, que Rawlinson pût être mort. Elle, de son côté, n'avait pas soupçonné que le fait de cette mort pût intéresser le jeune homme, ou qu'un événement quelconque adoucirait jamais pour elle la dureté de ses yeux. Cependant, une particularité du visage de Herrings la frappa. Il demeurait extraordinairement calme. On eût dit que son cerveau engourdi cherchait à s'assimiler une vérité vraiment trop difficile à comprendre. Elle ne pouvait deviner la véritable signification de son regard. Dans l'importance de cette minute, toute réserve et toute timidité l'abandonnèrent, et rien ne resta d'elle qu'une femme forte, primitive, combattant pour son sort. « Donald, dit-elle, eh bien, j'ai eu tous les torts, je le sais, mais je n'étais alors qu'une grande enfant, et j'ai déjà payé tribut à mon enfantillage d'autrefois. » Elle mit ses mains sur les épaules de son compagnon et le regarda franchement dans les yeux. Il sentit un flux de sang, quelque chose qui brisait les dernières barrières de son orgueil. 300 mètres plus bas, deux matelots échouaient leur chaloupe sur le sable et se dirigeaient vers le feu signal en suivant les empreintes de pas. Dans l'air transparent, leur sifflet résonna, net et précis, comme un appel d'oiseau. Spontanément, comme un garçon de 20 ans, Herrings entoura de son bras la taille de sa courageuse compagne. « Venez vite » cria-t-il en riant. « On nous attend maintenant. Retournons ensemble vers la civilisation. »« Je veux bien, Donald, de tout mon cœur. » Ingrat, parce qu'il se sentait pleinement heureux, il ne se retournait même pas pour accorder un dernier regard à l'île déserte, à l'île perdue, où s'était décidé leur bonheur. Brusquement, il s'arrêta. « Phyllis, vous savez qu'il faudra revenir ici plus tard. »« Hein, vraiment, pourquoi donc ?»« Parce que, quand vous m'avez découvert inanimé, sur la rive du lagon, je venais de trouver au fond de celui-ci des huîtres perlières. Une fortune, peut-être. » »« Tout en même temps, alors ?»« Tout. » Et en riant, joyeux dans l'air frais du matin, ils coururent vers la chaloupe. Ainsi s'achève, sur une île déserte, par Jacques Cézambre.